Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est Nuisance, Nuisance d'émission, tout le non-sens d'un monde insensé. It's that easy, I'm dying of hate of me. It's so easy. Je veux mourir. J'ai l'impression d'être une merde. Pas si patiemment. Je veux mourir. Je veux vivre. J'ai l'impression d'être une merde. Ils sont bons avec moi. They're good to me. They let them live. Ils sont bons avec moi. They're good to me. Let them live. Laissez-les vivre. Tant qu'ils sont là, je peux mourir quelqu'un. Me verra. J'aime pas, c'est si facile. It's that easy. I'm dying. Je veux vivre. It's so easy yet. Please kill me, me. I want to die of something. They'll see me die. Elles me verront mourir. Meurs-moi, moi. Disparaître. Meurs. Rassure mon vivant, je serai oublié. Mais plus tard, oui, plus tard. Later on, plus tard, je le saurai. I'll know. Je veux vivre. Je veux vivre. Plus tard, je le saurai. Oh non. Je veux vivre. Plus tard, je le saurai. Plus tard. Oh non. Later on. Je veux mourir la souffrance extrême. Mourir la vie de souffrance extrême. Je veux. To die suffering, to die extremity of pain. I feel accompanied and alone, all at the same time. Je veux mourir la souffrance extrême. Mourir la vie de souffrance extrême. Je veux. To die suffering, to die extremity of pain. I feel accompanied and alone, all at the same time. Later on. Je veux vivre. Later on. Je veux vivre. Je distingue les éléments du mélange et tout. Je me le dis. Meurs. Die. I tell me die. Je distingue les éléments. All the time. Tout. La prière sonne et résonne. Tout le temps, là. All the time I pray for forgiveness and flexibility. la prière. Je me meurs le terrain, l'entente ne désobnubile. À chaque fois que je ne renonce à être, je suis. Je me meurs le terrain, l'entente. Je me meurs le terrain, l'entente ne désobnubile. À chaque fois que je ne renonce pas à être, je suis. So I am then a twisted, schematic, solitude, lonely, even busy, so lonely, even now. Never have felt quite that bad. I wish me did, and that's what I get. Solitude, lonely, even busy, so lonely, even now. Never have felt quite that bad. I wish me did, and that's what I get. Je veux mourir. Gâchis de merde, mourir, je ne dois pas mourir. Schématique. Je veux mourir. So lonely even now, never have felt quite this bad. I wish me dead and that's what I get. Je veux mourir la souffrance extrême. Mourir la vie de souffrance extrême, je veux. To die suffering, to die extremity of pain. I feel accompanied de merde, and alone. Mourir, all je ne dois pas time. Mourir. Schématique gâchis, je veux vivre. Les phrases s'emplissent d'angéliques rumeurs pendant que les suaves cérébrales passions discontinuent le discernement par distinction de classe, de nom et famille, de qualité intrinsèque à la condition d'être. Un point c'est tout. Un point c'est tout. I don't give a damn, die me, point. Die again, die forever, forever. Meurs point, pour toujours, meurs pour mourir encore, mourir pour... Mourir, mourir c'est la not vie. Not dead, so fuck it, I don't give a damn, la die vie. Me, die again, die forever, forever. La mort. Meurs pour toujours, meurs pour mourir limbes. Encore, mourir pour... I sit down in heaven. Not dead, so fuck it. I don't give Limbo. A damn. Die me, die again, die forever, Snow. Forever. Meurs pour toujours, meurs pour Thick. Mourir encore, mourir down. Pour toujours, White. Mort, dead. At last, dead. I wish me dead so much. That's I want to leave you all, to give up, to die forever again. La pour douleur. Toujours, mourir. Puis c'est tout. De la douceur mensongère partie, laisser place, la rancœur disparaissante. Not dead. Ironie so fuck it. Du naturel. I don't give a damn. Die me, die again, die forever, forever. Meurs pour toujours, meurs pour mourir, encore mourir pour toujours, mort. Dead, at last dead. I wish be dead so much. I want to leave you all to give up, to die forever again, pour toujours mourir. De se faire enculer ou avoir mal, c'est ça la compréhension du choix auto-suggérément infligé. Ou avoir self-admitted replication is the sort of thing thinking does it sort of too. One never needs to impose to another one. See what I mean? Death, die, me to die is better than living because living sucks. Teeny ween, weener, take what? Fuck it. Fuck shit, I'm pissed. Fuck me too. Puis c'est tout. Ça fait mal au cul. L'impression de se faire enculer ou avoir mal, c'est ça. La compréhension du choix autosuggérément infligé. Puis c'est tout. Self-admitted replication is the sort of thing. Thinking does it sort of too. One never needs to impose to another one. See what I mean? Death, dying, me to die is better than living because living sucks. Teeny weeny, winner, dick wads. Fuck it, fuck it, fuck it. Fuck shit, I'm pissed. Fuck shit, I'm pissed. Fuck me too. Fuck shit, I'm pissed. Fuck me too. Fuck shit, I'm pissed. Fuck me too. Fuck shit, I'm pissing, fuck me too. Fuck shit, I'm pissed, fuck me too. Fuck it. Fuck shit, I'm pissing, fuck me too. Fuck shit, I'm pissed, fuck me too. Fuck shit, I'm fit. Fuck shit, I'm pissing. Fuck shit, I'm fucking shit. Shit, fuck, I'm pissed, piss on shit. Fuck, fuck shit, fuck piss, fuck. Shit, I'm pissed, fuck me too. Fuck it. Shit, I'm fit. fuck shit, I'm pissing, fuck shit, I'm fuck shit, I'm pissed, fuck me too, fuck it, fuck, fuck, fuck, fuck shit, fuck piss, fuck, fuck, fuck me too, about it, fuck it, too many times, I've said fuck, fuck shit, I'm pissed, fuck me too, fuck it, fuck, fuck, fuck. Fuck shit, fuck piss, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck it, et puis c'est tout. Ça fait mal au cul, l'impression. Ça fait enculer ou avoir mal, c'est ça. Compréhension, chaud, tout ce que j'ai réellement infligé. Fuck it, fuck shit, I'm pissed, fuck me too. Ça fait enculer ou avoir mal, c'est ça. Compréhension, chaud, tout ce que j'ai réellement mourir. Fuck it, fuck shit, I'm pissed, fuck me too. Ça fait l'impression, ça fait la mort. Ou avoir mal, c'est ça. Compréhension, du corps, tout ce que j'ai réellement et encore mourir. Jusqu'à fuck it, fuck shit, démesurément, me too. Connement, la mort, avilir le système de pensée. Un corps par logique et encore musique. J'y fais jusqu'à fuck it, fuck shit, démesurement, me too. Le connement, la mort, en trajectoire ton système de posture. Perspective, un corps par logique, sur encore musique. J'y fais jusqu'à fuck it, fuck shit, démesurement, me too. Le connement, la mort, en trajectoire ton système de posture. Perspective, un corps par logique, sur encore musique. J'y fais jusqu'à fuck it, fuck shit, démesurement, me too. Le connement, la mort, en trajectoire ton système de posture. Perspective, un corps par logique, surgit encore musique. Shame, jusqu'à fuck it, fuck shit, démesurement, me too. Le connement, la mort, en trajectoire ton système de posture. Perspective, un corps par logique, surgit encore. Jusqu'à fuck it, fuck shit, démesurement, me too. Le connement, la mort, en trajectoire ton système de posture. Perspective, un corps par logique, surgit encore. Jusqu'à fuck it, fuck shit, making my ass make name calling. Somewhat makes a difference, but somehow naming ills feels. Intelligentsia falling good, yeah. Naming ills feels. Intelligentsia falling good, yeah. Naming ills feels. Intelligentsia falling good, yeah. Die. Myself, meurs-moi ça le truc, merde, fais chier. De toute façon, je suis vivant, mort, mourir jusqu'au mort. Meurs-moi ça le truc, merde, de toute façon, je meurs vivant. Ouais, putain, enculé, mourir jusqu'au bout du tunnel. De toute façon, je suis vivant, mort, mourir jusqu'au mort. Meurs-moi ça le truc, merde, de toute façon, je meurs vivant. Ouais, putain, enculé, mourir jusqu'au bout du tunnel. Differentiation, making my osmic name calling. Somewhat makes a difference, but somehow naming else feels. Intelligentsia falling good. Yeah. Somewhat makes a difference, but somehow naming else feels. Intelligentsia falling good. Qu'est-ce qu'il y a? Die myself. Meurs-moi ça le truc, merde, fais chier. De toute façon, je suis vivant, mort, mourir jusqu'au mort. Meurs-moi ça le truc, merde, de toute façon, je meurs vivant. Ouais, putain, enculé, mourir jusqu'au bout du tunnel. Die myself. Meurs-moi ça le truc, merde, fais chier. De toute façon, je suis mort, vivant, vivant, mort, mourir jusqu'au. Meurs-moi ça le truc, merde, de toute façon, je meurs vivant. Ouais, putain, enculé, mourir jusqu'au bout du tunnel. J'ai l'impression d'être une merde. En fait, je n'entends pas être autre chose. J'aime pas. C'est si facile d'être une merde. Meurs-moi, moi. Meurs. Je n'entends pas être autre chose. Je me déteste à me tuer. Et c'est pas fini, ça finit pas, ça me désamorce. C'est si facile d'être une merde. Meurs-moi, moi. Meurs. Je n'entends pas être autre chose. Je me déteste à me tuer. Et c'est pas fini, ça finit pas, ça me désamorce. Présence. Je veux mourir. La rancœur, la rage, la colère. Présence. La merde. Je veux mourir. Tout provient et retourne, s'en retourne, vers après la bête. La rage, la colère. Je ne suis pas qu'animal, je suis un être humain sensible car étant pendant ce temps-là vivant, tout provient et retourne, j'aime le bonheur, Le bonheur de ne pas être n'est pas. Donc j'aime l'existence et ses conditions, la mort y comprise. Désagrégence, faute, dispersion et départ sont quatre facettes du même, même. Même que c'est vrai, ce que je dis mal, pourtant. Honte d'être né. Ashamed to be born, I am, je suis. Je ne suis pas d'accord, oui c'est vrai, vous êtes mort à moi. Oui je vois, c'est toute la chose, n'est-ce pas? Seul, mourir, toujours. Oui mais non, c'est ainsi et pas autrement, alors que pouvons-nous faire, à présent, mourir? Que reste-t-il? Mourir? À part le non-être, je ne vois pas. À mort, moi, oui. C'est ainsi, à la mort. Jusqu'à la mort, je suis vivant. Oui, mourir. À mort, moi, oui. C'est ainsi, à la mort. Jusqu'à la mort, je suis vivant. Oui, mourir. C'est ainsi, dépecé vivant, morbide à souhait. À la mort. Oui, et là. Alors que, mort, je le suis déjà. C'est ainsi, dépecé vivant, morbide à souhait. Oui, elle est là. Oui, c'est bien que la fin. Alors que mort, je le suis déjà. De douleur. Plusieurs fois. Oui, c'est bien que la fin. Ainsi soit-il. Votre étron. Je suis étron. Sanguinolent. Lentement pulvérisé dans l'espace rendu alors inutilement né. Oui, c'est bien que la fin naît. Présent est toujours le présent. Pour y penser, pas pourri de penser, différent, ça crever, bon pour ça, oui. Dur, doux, je choisis tout, mourir, crever, j'ai vu mourir, je veux, oui, merci pour le choix, être mort. Tout brûlé, y compris tout, y compris plus. C'est la forme de la fascinante, façonnante réactionnalité morte. I'm a piece of downside shit the whole fucking time down. No controlling the bleeding, it's gone off and away, die, die, die. Die, death, die, die, meurt, meurt, meurt, meurt. Meurt, meurt. Die, die, die, die. Die, die, die, die, die, die. Death, death, death, death, dead, mort, mort, dead, dead, mort, mort, dead. Die, die, die, die, die, die, die, death, death, death, death, death, death, death, away, spineless, full of spikes, shards, and what have you else? It feels like dying still and unmoving, self-destruction. disappearance of it. I can't find my oats are warm. They're like soggy, you know. The roleplay pisses me off. I'm gonna die tonight. Yes, once more. I'll disappear to myself forever and forget about it. So I'm down, down, and dying of it. Kind of given up on all of it. The roleplay pisses me off. I'm gonna die tonight. Yes, once more. I'll disappear to myself forever and forget about it. So I'm down, down, and dying of it. Kind of given up on all of it. And sees the singular unity of movement in life. No more. No. So here's to whatever meaning. So what's up? There's no thing to run to, but elsewhere in time, so here goes. Les faits demeurent réels alors que conséquentiellement, à l'antécédent, séquences mises à part, les obnubilances ne traversent pas l'esprit. Toute nomenclature reste brisée. Et c'est ainsi que l'ossature résiste à l'inflexion. Sans tarder. Toute nomenclature reste brisée. Ses grandes ailes jusqu'au tréfonds de l'antre de l'être. Car c'est d'ici à maintenant que l'inazur ne bleuera. Oui, c'est d'ici à maintenant que l'inazur ne bleuera. Placer les contre-pieds à l'encontre de la fermeture. Obliger les sons ouverts, l'ouverture par où se dire les ombres. C'est ainsi que le statue résiste à l'inflexion. Sans tarder, il ne traverse que de long en large l'entraille. Et c'est pourtant de ce relent d'abscon que la terre territoire déploie ses grandes ailes jusqu'au tréfonds de l'antre de l'être. Car c'est d'ici à maintenant que l'inazur ne bleuoie. Oui, c'est d'ici à maintenant que l'inazur ne bleuoie. Placez les contre-pieds à l'encontre de la fermeture obligée. L'ouverture par où se tire les uns après. Placer les contre-pieds à l'encontre de la fermeture obligée. When the realization hits, giving up seems to be reasonable. Should we say yes? Yes, we should. So yes, so say goddammit, fucker, piece of shit, absolving witnesses, witnessing again. As usual, the game is the only answerable projection of sorts. Goddammit, fucker, piece of shit. So what's up, there's no thing to elsewhere in some soil. So what's up, there's no thing to run to, but elsewhere in time. So here it goes. So here it goes. Here it goes. Here it goes. Here it goes. Here it goes again. Here it goes. We're gonna stop. It's not for tonight, you know, forever. C'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Ça s'arrêtera jamais, jamais. Here it goes. Ça s'arrêtera jamais. Je vous ai menti. C'est pas pour plus tard. Je veux mourir, I wanna die again, it's so romantic. I'm a piece of downside shit the whole fucking time down. No controlling the bleeding, it's gone off and away, die, die, die. D'horreur et de misanthropie toute bénie, cible mal choisie. La mort, quant à elle, ne fascine plus. Bandant un arc fait de briques et de brocs reluites. J'aime, mais pas le vivant, la vie, l'amour, la mort. J'aime mourir, me frapper de la douleur d'être. Tout ce que j'aime chez moi, la victimisation de tout ce que j'use bien malgré, agrémenté de stupr et de si peu de stupeur erronée. Bien, c'est dit. Égo mesurément merde, dépassant la borne du corps. J'aime, pendant un arc fait de briques et de brocs reluites d'horreur. Et de misanthropie toute bénie, cible mal choisie la mort, quant à elle ne fascine plus. Je ne suis pas une putain. Je suis une prostituée. C'est ainsi que le sature sa réflexion. Sans tarder, il ne traverse que de long en large l'entrée. Que la terre est territoire, ploie ses grandes ailes jusqu'au tréfonds de l'entretelette. So tell me, if it be noble, it's your goal. Ah, say. Let's go home to the other. The other, to the next, be you and I, let's act forever, can grasp what we may. So damn it, if it be not all this sure, could I say, let's go home to the other, for the other, to the next, be you and I, let's act forever, can grasp what we may. So here's to whatever. Here's to ever. I wanna die. My hair green for all I care. So I'm down, and dying of it, kind of given up all of it, you know? It gets me down, so I cease it. It wasn't very unhurrable, the whole thing. Lying to myself the whole time, I'm dead again. So here goes on the whole damn thing of it. Je veux mourir, I wanna die again. It's so romantic, I'm a piece of down shit. Side of the whole fucking time down. Controlling the bleeding, it's gone off the way, die. Just need to get up. Just need to get up. When the realization is given up, saves this reasonable. Should we say, yes we should. So say, goddamn it, fucker. Piece of shit, absolve the witnesses, witness it again. As usual, against is the only thing. It's a verbal projection of a soul, so damn it, it be noble. This sure, should I say, let's go home to the other, for the other, to the next. Be you and I, that's that, forever can grasp. But my way, so here's to whatever. So here's to whatever. So here's to whatever. So here's to whatever. When the realization hits, giving up seems this reasonable. Should we say, yes we should, so say, goddamn it, fuck a piece of shit. Absolving witnesses, witnessing against, as usual again, is the only answer, rejection of sorts, damn it. If it be not a war, this sure should I say, let's go home to the other, for the other, to the next, be you and I, that's that, forever, can't grasp it, but me where, that's to whatever. Piece of shit, absolving witnesses, witnessing again. As usual, again, is the only answerable projection of sorts. So damn it, if it be not put this short, shall I say, let's go home to the other, for the other, to the next, be you and I. So damn it, that's that, forever can't grasp but me. So here's to forever. Here's to forever. Meaning. Here's to forever. Meaning means to me here, there, now, and then. So what's up? There's nothing to. Here's to forever. Time, so here goes. Here goes. Yes, please. Me, please do it. I must not climb and fall into you. Me shit, no way. To out of here, we'll surface, doing company. All the veils and their shadows intersidedly gone away. Going the whole way down to the gold sided hue, to the ground thoughts of disarray. Now, when the happiness goes away, down is the mood, whereas feathers are plucking, initiates away all the way to become is. Seldomly hard, really, so be it all the way. To behold plucking insanities against the membrane of a feather all the way to the downward spiral, the one living. Have you heard? Have you heard? Have you heard? When the happiness goes away, down is the mood. Whereas feathers are plucking insanities away, all the way to becoming seldomly heard, really to be all the way. To behold plucking insanities against the membrane of a feather, all the way to the downward spiral, the one living. I must not climb and fall into you. Me shit, no way to out of here. What's up, vice doing company? All the veils of shadows intersidedly gone away. Les aveux, ils sont. Et c'est ceux-là qui sont. The trash is me, but I don't care about that shit. Me, you know, the way is out of where. Whenever is where, it's at now, you know. So wherever, whenever, it's all out of it. Out of it, I mean, that's that, you know. The color is out of my head and stomach, I don't. C'est là que je démène. Laissant aller à se lâcher de prise, c'est ainsi qu'obnubilé par le regard de l'autre, les uns et les autres s'obnubilent même que c'est vrai, ce que je dis. Of sorts of wanna beings, we all become mass, which is only wannable if understood as partiality, being non-neutral, one should tamper with the natural tendency to inertia and seize a singular unity of movement and life, but no more, no. Les aveux sont ceux-là qui sont. Des raisons m'obstruent la tête, le mental, que je veux dire. Trash is me. In flight. Flight. Yes, please, me, please, do it. Do it. Trash is me, but I don't care about that shit. I don't care about that shit. The color is out of my head. Stomach, I don't. C'est là. Que je démène. Laissons aller à slash prise. C'est ainsi qu'obnubilé. Par le regard de l'autre, les uns. Et les autres. S'obnubile même. Même que c'est vrai ce que je dis. Ouf. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Wanna beings. And of sorts. Will become mass. Mass. Will become mass, which mass. Is only wantable. Understood. As being. Partiality. Being mass. Non-neutral. One should be tempered with the natural tendency. Non-neutral. And life, but no more. Non-neutral. No. Non-neutral. Whenever is where it's at now. Non. Et c'est ceux-là qui sont. Non. Les aveux non. Sont. Le mental que je veux dire. What's up? La déraison m'obstrue la tête. Non. Oui, la déraison m'obstrue la tête. C'est ainsi. L'inazur bleuté, non. Non. There's no thing to run to. Non-neutral. There's nothing to run to. There's no thing to run to but as well and time to hear. Nothing, God. There's no thing to run to but as well. So what's up? Yeah. Il fait démarrer alors que conséquentiellement l'antécédent. Séquence mise à part. Yep. Les hommes de menace ne traversent pas l'esprit. Toute nomenclature reste brisée. Yo. Hey. We are cop. Les aveux sont, et c'est ceux-là qui sont. Yo. Le mental que je veux dire. Hey. Oui. What's up? Non. We are cop. Oui. Oui. Non. Non. Non. Oui. I don't care about that shit, me and all. The way's out of where? Whenever is where it's at now. So wherever, whenever, it's all out of it, you know, that's that. The color is out of my head and stomach, I don't. C'est là que je démène, sans aller à se lâcher de prise. C'est ainsi, qu'obnubilé par le regard de l'autre. Obnubilé par le regard de l'autre, les uns et les autres s'obnubilent. Même que c'est vrai ce que je dis. Yes. ce relent d'absent que la terre territoire déploie ses grandes ailes jusqu'au tréfonds de l'autre dame de l'être. Car c'est ici, à maintenant, que l'inazur ne bleuoit. Ouf, c'est d'ici, maintenant que l'inazur ne bleuoit. Placez ses contre-pieds à l'encontre de la fermeture obligée. Ils sont ouverts de l'ouverture. Par où se dire les uns après les uns. Ah oui, c'est quoi, t'as de l'espoir? Inespoir. When the realization has given up seems as reasonable, should we say yes we should, so yes goddamn fucker, piece of shit, absorbing witnesses, witnessing against, as usual against, is the only answerable projection sort. So damn it, if it be knowledge, this shore should have say, let's go home to the other, for the other, to the next be you. That's that. Je veux mourir. Forever can't grasp, but we may. Je veux vivre. So, here's to whatever. Here's to whatever. Meurs-moi. Meurs, je me déteste. À me tuer. Ça finit pas. Et ça me rend glauque, latent, attendant la mort, patiemment. Et pas si patiemment que cela. Je veux mourir. Je veux vivre. Je veux mourir. Ils sont bons avec moi. They're good to me. Let them live. Laissez-les vivre. Tant qu'ils sont là, je peux mourir. Quelqu'un me verra. They'll see me die. Ils, elles, me verront mourir, disparaître. Sera sur mon vivant. Je serai oublié, mais plus tard, oui, plus tard. Later on. Plus tard, je le saurai. I'll know. What a pussy. Je veux mourir à la souffrance extrême. Aren't you being... Je veux mourir à la souffrance extrême. Mourir la vie de souffrance extrême. Je veux. To die suffering. To die extremity of pain. I feel accompanied and alone. All at the same time. Je distingue les éléments du mélange et tout, je me le dis. Meurs. Die. I tell me die. All the time. And that pussy like. Meurs. Là. Die. Tell me die. All the time. Là. Repanation. Là. Prière sonne et résonne tout le temps là. All the time I pray for forgiveness. Flexibility, je me meurs, le terrain, l'entente me désobnubile. Patiemment, mais pas si patiemment que cela. Glock 1, vivre. Glock 2. Le Glock 17, plus rapide. La prière sonne et résonne tout le temps. Voilà, all the time I pray for forgiveness and flexibility. Je me meurs au terrain d'entente ne désobnubilie. À chaque fois que je renonce pas à être, je suis non à être. A twisted schematic, solid, too lonely, even busy. So lonely even now, never have felt quite this bad. I wish me dead and that's what I get. Gâchis de merde, mourir, je ne dois pas mourir. Schématique. De merde, mourir, je ne dois pas mourir. Schématique. De merde, mourir, je ne dois pas mourir. T'as l'impression quoi? Sur un mec trop vénère dans les années 40 aux États-Unis. I don't give a damn, die me, die again, die forever. I don't give a damn, die me, die again, die forever. Bad. I feel bad. Bad. I want to die. Feel bad. Bad. I want to of a dismembered corpse recently on the side of the road. It was me. You remember that rat hole where there was a smell coming out of it? It was me. You remember that thing that was crushed under your carpet stinky. The last time you washed your carpet and then you crushed something under it? It was me. I collect. You remember that rat in the toilet corpses. You just flushed out that and it died? Stank. It died, it stank like a skunk all the fucking time? That was me. les gens qui étaient morts dans le caniveau, tu te souviens ceux que t'as laissé crever, c'était moi, c'était moi. Pendant la guerre, ceux qu'on tue avec les bombes, tu sais, avec la peinture à plomb dans les squats, c'est nous en fait. Et les gens qui crèvent comme ça parce qu'ils savent plus quoi faire, et ben c'est nous en fait. Et ensuite, les autres qui meurent à l'hôpital parce qu'on les oublie, comme ça, les vieux, les grabataires, et ben c'est nous en fait. Et ensuite, les gamins qui meurent de cancer ou d'hémophilie ou de sida parce qu'ils ont eu une transfusion sanguine, c'est nous en fait. Et les gens qui sont en train de mourir prostitués à cause de la syphilis et de la peinture à plomb dans les squats, c'est nous en fait. Yeah, it's us. Ça fait mal au cul. L'impression de se faire enculer ou avoir mal, c'est ça la compréhension du choix autosuggérément infligé. Et la peinture à plomb, ben c'est nous en fait. Mourir, c'est la vie. La vie, le silence, la mort, la voix des limbes. Limbo for centuries. Ions down, fuck, it seems painfully burning me. Like the smell of burnt tires. I thickly died down, down, down. I'm feeling down quite so hellishly. Poor. Schematics. I sit down in heaven reading God. Schematique. Divine non-interventionist. Divine. Schematique. Tout est déjà fait. Et c'est ainsi. Et puis c'est tout. Flooring equals rising on it. That is where I finally leap into movement and construct. Flooring it equals rising on it. Je me meurs le terrain. L'entente ne désobnubile. That is where I finally leap into movement and construct. À chaque fois que je ne renonce pas à être, je suis. À chaque fois que je ne renonce pas à être, je suis. À chaque fois que je ne renonce pas à être, je suis. Destruction finally where I belong. Self-hated there, dead and alive don't mean quite so much no more, no more, no less than acting around it all the way fucking. Pour toujours mourir, et puis c'est tout. Ça fait mal au cul, et puis c'est tout. L'impression de se faire enculer, et puis c'est tout. Ou avoir mal, et puis c'est tout. C'est ça la compréhension du choix. Oui, mais se faire enculer, c'est pas forcément très agréable. Ça fait mal au cul, l'impression de se faire enculer, ou avoir mal. Ça peut être bon, la sodomie. C'est ça la compréhension du choix autosuggérément infligé. Franchement, la sodomie, ça peut être très bien. Imitative replication is the sort of thing thinking does it sort to. One never needs to impose to another one. See what I mean? Death dying me. To die is better than living because living sucks teeny weeny wiener dickwads. Fuck it. Fuck shit on piss. Fuck me too. Mourir la mort encore et encore. Jusqu'à démesurément, connement, avilir le système de pensée. I feel bad, I wanna die. I feel like crap, like that thing shit up my ass the whole fucking damn time. Kill me, me too. I feel bad, I want to die. I feel like crap, like that thing shit up my ass the whole fucking damn time. Kill me, me too. Please fucking goddamn die. Me, me fucking die. Long for non-existence, no, and it's not. C'est l'impuissance face à la vie qui donne envie de mourir. Parce que des fois, ça nous fait chier la vie. Et on a envie de mourir à ce moment-là. Mais à force de le voir, et ben, ça devient quelque chose qui obnubile la pensée tout le temps, et elle tourne, et elle tourne. Et c'est ça l'histoire. C'est que des fois, ça s'arrête pas. Il faut aller jusqu'au bout. Idée. Il faut sortir, ou rester où t'es, et c'est fini. On court de bout de course de fond qui comble le manquement ou pragmatisme. Si tu sors pas, tu meurs. Tu meurs. L'acte divin d'être rassemblant, caractéristique et bilvesé. Si tu restes en toi, tu meurs. Tu meurs. Dégoût, rancœur, puis joie. Derrière les tout, de fond en comble. Le comble. I'd rather sign my name, cowardice, without finality. Coward. You're fucking coward, huh? Alive. How you? You're fucking not pussy coward there, shit, so fuck. Non-alive. You prefer eating a scorpion or living 100 but years? Non-living being. Yeah. Or do you want to eat a scorpion to live like 5,000 years? I'd rather like pay my rent and pay my taxes and die. You know, Well, to eat a scorpion, it would demand of me like a lot of effort. So I would have to go get it. And it's not very, there's no protein on the fish. It's not very provocative. Eating a scorpion is kind of a mushy, crispy, I guess, kind of a mushy, crispy shit. Like sodomy, eating scorpions can be good. Yeah, with the scorpion sodomy, it's cool. This is yeah, so cool. Yeah, you eat sodomy? Yeah, scorpion sodomy is cool. Oh, I don't want a scorpion SS. In my ass, though. That is really hardcore. Depends on the scorpion. I'm open, shit, and shit. But no scorpions up my ass. Okay, what would you prefer, like a chicken bone? I prefer a dick when I want one. Yeah, but does it have to be a chicken-sized dick or does it have to be a horse dick? No, I prefer really like average. Just a dick, you know. Just an average. Fingers don't go. It's a dick when I want it. An average one. That's some yeah, dirty shit. When I want yo. It. But scorpions, I'm kind of average too. Fingers, so don't worry about it. Cucumbers. Shit. Eggplants. I'm sort of average shit. Myself. That shit don't you know? Go, you know. Shit. Good. That's sort of I'm average. I'm so happy for you. I'm sort of average. That's some real dirty shit, yo. À peu près moyen. No, it's not. Je suis à peu près moyen, tu vois. Cool. C'est toujours moyen. Parce que c'est un peu moyen. That's real dirty shit. C'est vraiment moyen. No, it's not. C'est là où c'est moyen. C'est maintenant. C'est toujours moyen. C'est maintenant qu'on comprend plus rien. C'est un peu moyen. Real dirty shit. C'est vraiment moyen. No, it's not. C'est là où c'est moyen. You got coordinates. Enfin, c'est maintenant. On va toujours moyen. Middle side. What are you bitch? Je laisse aller. Je sais pas si c'est détaché. C'est là où c'est moyen. À la vie. Enfin, au vivant. On va toujours moyen. C'est la conscience. De soi, qui obtient des sachets, qui fait tergiverser, qui fait chier. J'ai envie de crever, je veux mourir, j'ai mal. Je me le dis, meurs, die, I tell me, die all the time. Pas avoir ça. Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Pas avoir ça. Vendredi 21h-23h. Merci aux invités. Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Vendredi 21h-23h. Merci aux invités. Nuisance sur Canal 92.2 FM, Canal 2.net. Vendredi 21h-23h. Merci aux invités. Nuisance sur Canal 92.2 FM, Canal 2.net. Vendredi 21h-23h. Merci aux invités. Nuisance sur Canal Something like with a background or without it? Sorry, wait. Give me a second. Sorry about that. I would like a little background. Do you want to sing? What kind of a background? Like a happy background or a sad background? Choose it for me. Okay, please. I'll try. All I have to do is like press a few buttons. And not this one for sure because it's kind of dead. It's like there's a problem there. Trying to sing on no background. I'm trying to sing. I want to sing. Je voudrais remercier Canal Sud de nous avoir prêté le matériel. On est en train de le casser, donc c'est. Thank you a lot to Canal Sud. C'est une œuvre d'art. Really en fait. Cool and quit fucking robbing it, cause that's not fun. You shouldn't say this. Not in French anyway. I'm not speaking French right now. Perfect, so no perfect. One in France just got what I just said. They don't know English. They're stupid French people. They don't know English. They're stupid French people. Yeah. Hey. So everybody knows this. You know that French are stupid. We are I like this. Sud Canal, 92.2. Oh, you don't want a voice, doing do you? Schematics, yes, I do. You don't mind? No, I don't. Okay. I want you to fucking blip me what you, you know, do what you can do. Okay. With your machines, I don't. You're on in like 3 seconds. We weren't on the air there. In 3 seconds, 2 seconds, 1 second, and there you got it. Later on. Later on. Later on. Later on. Procrastinate. Procrastinate. Procrastinate. Procrastinate. Pro. Pro. Procrastinate, procrastinate, procrastinate. Later on, say later on, later on. I am a voice. I was stolen out of a throat. Throat of anyone, not a girl, not a boy, not a Yorker, not a. Not anyone, not anyone from anywhere. I'm just a voice stolen out of a throat, speaking that high. Whoa. I can't and I won't be taken for less than what I am. But I'm older than you think. Middle top of the world, I've been around from Berlin to Montreal to Athens. And I've just come to realize that I just need to love the humans and strive. Even if I got fucked in the ass, come to realize that I just and didn't want it, asking and locked it. I just even needed to try. From Montreal to Paris to Athens to Berlin. Fucking get the fuck off your couch and collect. Fucking buy a plane get the fuck get off your couch. Buy a plane ticket. Fucking buy a plane ticket. Belong in your home and what you think is your fucking origins is just merely something that only people who belong in cat fucking categories will accept to be. It's never gonna do. Écoute. Schematique. Schematique. Too lonely, even busy. Twisted schematic, solitude, lonely, even busy. So I am the twisted schematic, so lonely, and I'll never have felt quite this bad. I wish we did it, and that's what I get. That's what I get. Oh, so I am the twisted schematic, solitude, lonely, even busy. Lonely, but now I felt quite this bad. I wish me dead. That's what I got. That's what I got. That's what I got. That's what I get. That's what I get. That's what I get. That's what I get. That's what I get, and that's what I get. That's what I get, and that's what I get. That's what I get, and that's what I get. And that's what I get. I don't give a damn. I don't give a damn. I know dead, so fuck yeah. So I don't give a damn. Thank you. fuck it. I don't give a damn, die me, die again, die forever, ever. Sud, Radio Libre ou mourir. Allez tous se faire foutre. Time I pray for forgiveness and flexibility. Je distingue les éléments du mélange et tout. Je me le dis, meurs. Die, I tell me, die all the time. I pray for forgiveness and flexibility. Je me meurs. Le terrain. L'entente. Me désobnubile. Thank you. Et ouais, avoir mal, c'est de la compréhension. Choix auto-suggéré, m'en infliger self. Mourir, la mort, encore et encore, jusqu'à démesurer mon connement. Avilir le système de pensée induit par logique mnésique différent. Le changement, c'est au calibre, le réel dessus, en trajectoire transversale, la posture, perspective. Surgir, la même, en travers. De toute façon, je suis vivant, mort, mourir, jusqu'au. Jusqu'au mort, moi, ça le truc, merde, de toute façon, je meurs vivant. Ouais, putain, enculé, mourir jusqu'au bout du tunnel. Ne suis plus, je pars dans les travers. Le port se miaule, mauvais qu'il est, crève. La mesure déployée, fox. Sable temporaire, non mort, car être parti de celui-ci, il semble qu'elle a mort. Amoureuse de Neymar, ne se meurt. La fois que je rencontre le mauvais chemin qui se démène là, là sur de mer. Sable temporaire non mort qu'à être ou partie de celui-ci. Il semble qu'elle, la mort amoureuse non aimable, se me meut la fois que je rencontre la mauvaise. Ah! Le mauvais chemin qui se démène là sur de mer. Merde! Merde! Merde! Merde! Qui meurt? Merde! Trouble time! Merde! Merde! Eh oh! Merde! Merde! Qui meurt? Merde! Prosthetic will shit me all the way! The whole time! Merde! Merde! Qui meurt? Prosthetic will shit me all the way! The whole time! Merde! Merde! Qui meurt? A chaque fois. Merde. Merde. A chaque fois. Merde. Merde. Sable temporaire non mort qu'à être ou partie de celui-ci. Il semble qu'elle, la mort amoureuse. Non aimable, se me la foi que je rencontre le mauvais chemin qui se démène la lassure de merde. Le papier de toilette, le cul merde, l'état se démène par la pluralité intention. Le sevrage se démultiplie contre le nom, la sévérité remplace l'univers qui en mouvement ne puisse se déplacer. Même la dernière fois mourir était de ce trop plein là, merde. Ne puisse se déplacer, même la dernière fois mourir était de ce trop plein là, merde. Merde, ce trop plein là, la dernière fois c'était de ce même la dernière fois mourir était de ce trop plein là, de cette acabie là, merde. ce trop-plein-là, ce trop-plein-là, cette merde, c'était de la dernière fois. Akabi, c'est de cette Akabi-là. Elle se trouve là. Ce trop-plein-là, cette merde, c'était de la dernière fois. Plein vide chiant. C'est de cette Akabi-là. Elle se démangeaison purulente, pestilente, plein merde mort ne règne pas sur son démocratie. Derrière papa, maman, devant maman, démangeaison purulente, pestilente, plein merde mort ne règne pas sur son démocratie. Derrière papa, maman, devant maman, démangeaison purulente, pestilente, plein mort livide, prosélyte, convainc peu et mal, intéressé. Maman, devant dire de la merde, c'est mal barré, c'est pour ça, c'est fou. Inondation, moi, je hais vide, mourir, c'est mourir, mourir, mourir. Maman, devant dire de la merde, c'est mal barré, c'est pour ça, c'est fou. Inondation, moi, je hais vide, mourir, c'est mourir, mourir, mourir. Se démène par la pluralité, intention, le sevrage se démultiplie, depuis se déplacer, même la dernière fois, mourir était-ce de ce trop-plein, la merde, là, elle se trouve là, trop de vide, plein rende le plein vide, chiant, démangeaison purulente, pestilentielle, merde, mort ne règne pas sur démocratie. Derrière papa, maman, devant maman, papa, je m'enculais. Ha, blafard, blême, livide, possélite, convainc peu et mal intéressé. Dire de la merde, c'est mal barré, c'est pour ça, c'est fou, l'inondation du fion. Moi, je hais vie, je meurs vite. Mourir, c'est mourir, mourir, mourir, mourir. La tchasse sans sens de part et d'autre de mourir. Mourir, mourir. La mort m'appelle de fond en comble et de travers. Et puis d'autres encore ne nécessitent pas la démesure, alors que la fin ne justifie pas d'ailleurs. Mourir est de prime d'abord, condition sine qua non de l'existence sensible. Mais car, mais il y a The disorder is also a condition of high existence. Die in the end, necessarily all the beings need. Is it so? Yes. Please fucking goddamn dummy me. Fucking die along for non-existent, knowing it's not. I'm stupid shit, I want to die to kill me. Living is painful, no judgment, it just sucks. Fuck, fuck, oh. I sit down heaven, reading God's divine non-intervention is divine. Tout est à fait, et c'est ainsi l'empressement de mourir, vivre et fait à rire, sacré compte à rebours, pipi complet, rejaillissement sur la demure d'un bariolet travers qui n'est pas la phrase, s'emplissent les phrases. s'emplissent d'angéliques rumeurs pendant que les suaves cérébrales passions sains discontinue le discernement par distinction de classe, de nom et famille, de qualité intrinsèque à la condition d'être. Un point, c'est tout. Et si t'as pas compris? Eh ben j'espère que t'as enregistré l'émission, comme ça tu pourras rembobiner sur ta cassette. Parce que voilà. dim. Die me. Me. Fucking. Die. Just fucking kill me. I wanna die because living is painful. Just fucking kill me now. I want to die because living is too painful for me. I painful for me. I wish I didn't have to wish I died because life is too painful for me. Life is too painful for me. Life is too painful for me. I wish I never freaking was born to remember and know how you're torn when you're coming from naturally and life was given to me, but it wasn't cheap, and it wasn't cheap. Yes, life was sold to me, but it wasn't cheap. No, it wasn't cheap. No, it wasn't cheap. No, it wasn't cheap. C'est la vie. déjà fait, tout est déjà fait. C'est ainsi l'empressement de mourir, vivre, fait tarir la vision sacrée compte à rebours, pipé complet, jaillissant de là des mesures, un barrio, le travail qui n'est pas. Les phrases s'emplissent d'angéliques rumeurs pendant que les suaves cérébrales passions discontinuent le discernement par distinction de.